Hey, bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à l'épisode 18 de l'Horreur Gamer Show. C'est sur le micro avec vous. Et en ma compagnie, une équipe un petit peu short ce soir. Mais c'est du bon. C'est du bonbon. C'est l'élite que j'ai gardée pour vous ce soir pour un show spécial à mon cœur. On va commencer avec mon bon vieux partner, Steph Terreur. Comment est-ce qu'il va, Steph? Ah, il va popper, toi. Il va popper. Là, je sais que je te l'ai dit au dernier show, mais tiens-toi proche de ton micro quand tu me parles. Ah ouais, je suis à côté, je t'avais de le manger. Parfait, c'est comme ça qu'on aime ça. Je m'ennuie, Steph, de t'avoir à mes côtés, c'est pour ça. Il faut que je sente ta présence. C'est pas comme quand on était en face, là, c'est différent. Avec nous aussi, la deuxième moitié de mon cerveau critique d'horreur gamer et de remaker, Sébastien Bouchard avec nous. Comment est-ce qu'il va, Seb? Ça va bien, je suis content que tu aies dit deuxième moitié de cerveau, parce que là, j'avais peur que tu m'appelles ta douce moitié. Là. Non, ben, j'aurais pu, mais j'aurais fait des jaloux, et non pas des jalouses. Des jaloux et non des jalouses. Non, mais ouais, c'est ça. Ça, là. Ça qui est weird. Non, mais j'ai dit ça parce que ce soir, on parle d'un remake, on parle d'un film d'un original et de son remake, comme dans à l'époque du remake et des chants. Fait que c'est pour ça que j'en suis venu à cette introduction de marde, finalement. c'était pas ma meilleure, mais on dirait que je m'en fous un peu. Commencez vite par un petit tour de table. Quand on sait qu'est-ce que t'as fait de nouveau? Quoi de neuf de ton côté de horreur? Côté horreur, c'est un petit peu tranquillos parce que j'ai eu beaucoup de jobs ces temps-ci. Gros job de montage puis tout ça. Mais je me suis tapé la série Hemlock Grove, produite par notre cher ami Lara. Man, j'entends que du mauvais sur cette série-là. Je l'ai pas commencé encore, mais rassure-moi, c'est pas si pire que ça. Ben écoute, moi j'ai écouté au complet. Oui, tu sais, tout le monde dit que c'est mauvais, puis ils ont raison. Écoute, ça m'a vraiment tout pris pour que je la finisse. C'est bien parce que quand j'ai perdu patience, je suis rendu au 8e ou 9e épisode, puis il y en a 12 ou 13. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai que j'ai écouté tout ça pour finalement le laisser tomber avant la fin. Une série qui commence quand même bien, avec un premier épisode quand même assez fort, une transformation de loup-garou qui en jette, même si elle est faite avec CGI, c'est surtout dans son originalité qui est trippante. Là. Tout le monde ne parle que de ça, parce qu'il y a à peu près juste de ça à parler dans cette série-là. Là. Sérieux, là, avec un dernier épisode qui garoche des punchs de marde, mais ah, c'est épouvantable. Tu sais, punch par-dessus punch que tu dis, ouais, mais Colin, vous aviez 11, 12 épisodes pour tout nous diluer ça, là. Mais à la place, là, on dirait que c'est une série de remplissage. J'avais l'impression d'écouter Lost, là, tu sais, là, où t'as jamais de réponse à rien, là, puis tout ce que t'as, c'est des questionnements. Puis que tu te dis, si, maintenant, vous auriez pu m'en donner un petit peu à travers tout ça, là. Puis, sans rien dévoiler, parce que, bon, je laisse quand même le monde écouter la série puis se faire une idée par eux-mêmes, là. Il y a vraiment un punch. Tout le long de la série, il parle de certaines personnes comme étant des loupirs. Puis tout le long, tu te dis, hey, c'est quoi ça, un loupir? Ça a l'air d'être du monde assez puissant, assez spécial. Puis quand on découvre c'est quoi un loupir, là, ben on a le goût de garocher notre manette dans la TV. Sérieusement, j'ai fait « calice, c'est pas vrai ». C'est une marque de bâtonnets de poisson que les personnages aiment bien manger. Ça aurait peut-être été moins cliché. Oh, God. Ça aurait eu au moins le mérite d'avoir été original. Mais non, sérieusement, c'est moi, je le dis, là, c'est à éviter. Là. Il y a du fla-fla, des personnages qu'on n'est pas attaché, des acteurs qui sont pas si bons que ça. Une chance qu'il y a... comment elle s'appelle? Famke Janssen? Oui. Ouais, qui vole le show. C'est elle qui fait le show. Si ça n'avait pas été de son personnage, je pense que j'aurais été encore moins loin dans la série. Là. Fait que, non, c'est ça. Puis c'est ça, je savais pas qu'il y avait une deuxième saison. Puis plus le dernier épisode avançait, plus je me disais, oh non, ils sont pas en train de répondre à certaines questions. Shit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, l'épisode finit avec un simili-punch. Puis là, je me dis non, faut pas que je me retape une autre saison de ça. Et je vous le dis tout de suite, ce sera pas le cas. Bon, ben, peux-tu dire que tu me l'as pas vendu? Mais c'est pas mal dans mon intention de pas te le vendre. Non, ben c'est correct. Je veux dire, c'est ce que j'ai entendu tout le monde. Je vais quand même au moins me taper le premier épisode. Juste pour avoir le pace. Mais ouais, je vais pas essayer de m'accrocher, je pense. Ah non, non. Parce que ça arrive, hein. Moi, il y a bien des séries qui ont commencé très très faibles, puis je me suis accroché, puis j'ai fini par aimer. Breaking Bad pour commencer. Moi, au début, je voulais rien savoir de ça. Finalement, j'ai trouvé ça génial. Mais là, je vais vraiment pas forcer. Tu sais, il y a une tentative, une légère tentative de faire un peu de Twin Peaks là-dedans. Mais pourtant. Tu le sens un peu de Twin Peaks, mais ça n'a pas le génie de Twin Peaks. Ah, mais. C'est le gros défaut. N'imite pas David Lynch qui veut. Eh, mon Dieu. N'imite pas David Lynch tout court. Ouais, c'était bien dit. C'est tout, Sébastien, en matière de qu'est-ce qu'il y a de neuf par chez vous? Oui, pas mal. Sinon, écoute, vite, Far Cry 3, Blood Dragon, un jeu à essayer. Ah, ben ça, tellement l'air épique, c'est, ça. C'est génial. On reprend le moteur de Far Cry 3. On amène ça dans un univers post-apocalyptique qui se passe en 2007, mais imaginez comme si on était dans les années 80. Des néons, trame sonore qui fait penser à Drive. C'est fluo en tasse. Du fluo en salle. Des dinosaures géants qui crachent des lasers par la bouche. Ah, mais vendu! C'est vendu! C'est juste génial. Le gameplay est un petit peu moins étoffé que dans Far Cry 3, il y a certains éléments qui ont pris le bord, mais pas assez pour qu'on s'agorche le jeu. Écoute, c'est supposé être un DLC, mais finalement, c'est un jeu qui est stand-alone. 15$, j'ai eu 8 heures de jeu. C'est vraiment un bon investissement. Là. C'est sûr que ça n'a pas le charisme aussi fort que Far Cry 3, dans le sens que l'univers, après une heure ou deux de jeu, tu sais, je veux dire, il nous impressionne plus, là, on l'a vu, là, mais le fun est là jusqu'à la fin. Bon, excellent. Moi, de toute façon, tu connais mon amour pour Godzilla, fait que j'étais vendu à seconde à 10 gros dinosaures qui crachent des rayons laser. C'était certain. Bon, ben, merci Seb. Toi, mon Steph, qu'est-ce qu'il y a de neuf par chez vous? Écoute, côté horreur, pas grand-chose. Côté jeu, je me suis remis à jouer pas mal au shmup, là, comme on pourrait appeler. Je me suis pogné Supernova puis Air Fortress. C'est pas mauvais. Des bons vieux classiques, là. Tu retournes au NES puis au Super NES. Yes. Ah ouais, c'est toujours les meilleures consoles, là, les vieilles. Je dirais peut-être pas les meilleures, mais je te dirais que j'ai pas moins de fun avec ces bébelles-là, ça c'est sûr. On se tanne pas puis ils brisent pas. Je sais pas que ça va avoir de l'air plus tard, les consoles nouvelle génération. Dans 30 ans, d'après moi, on jouera plus, ils vont tout être brisés. Ça c'est certain. Ouais. Non, puis côté musique, Alice in Chains qui ont sorti le dernier album, que j'ai bien hâte de me pogner. Ouais, moi aussi, je suis curieux d'entendre ça, parce que j'ai jamais été un grand fan, mais j'ai comme toujours trouvé ça correct. C'est très bon, du Alice in Chains. Moi, écoute, quand tout le monde trippait Nirvana, moi, j'étais le fucké qui trippait Alice in Chains. c'est spécial. Je connais ça. Mais non, sérieusement, j'ai bien hâte de me pogner ça. Puis le dernier de Wednesday 13 que j'ai pas encore, je suis déçu. Je t'avais de passer à l'acte avec une corde, mais un crochet, tellement je l'ai pas, là. Mais je vais me pogner ça dans les prochaines semaines, puis... Je vais vous en faire jouer, c'est certain. Excellent, ça. Ah, oh, ben moi, de mon bord... Excuse, juste avant, j'ai oublié un élément important de mon écoute de films d'horreur. Vas-y donc. J'ai écouté le court-métrage Aftermath. Ouais, et puis? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ben oui, je connais la prémisse, là, mais j'ai pas vu. Ouais, c'est genre de court-métrage qu'à la fin, t'as le goût de prendre une douche. Oh. Parce que tu te sens sale. Un peu comme dans High Tension, genre? Oh non, ça n'a rien à voir, là. C'est vraiment plus dans le propos que c'est dégueulasse. Ça. OK, plus Cabin Fever. Non, c'est juste moralement. Moralement, tu as le goût de prendre une douche. Parce que ça n'a juste pas de calice de bon sens ce que tu es en train d'écouter dans ce film-là. Puis tu prends ça où, une douche? Résumé une douche vite, de vite, deux gars qui sont dans un... Pas dans une morgue nécessairement, mais qui ont l'air de faire des autopsies plutôt. Puis il y en a un qui décide de faire de l'overtime, c'est tout ce que je dis. Ah, mais on a déjà vu des scènes comme ouais, ça. Ouais, mais... C'est ça. des scènes qui durent aussi longtemps que ça, puis qui sont aussi soutenues. Ce film-là, il bat des records. Bon. Il m'a salement rendu mal à l'aise. C'est intéressant, c'est clair, je vais acheter un coup d'œil à ça. Ouais. Je l'ai réalisé en 94. Je vais acheter un coup d'œil là-dessus. Moi, comme j'étais en vacances la semaine passée, j'ai comme profité pour faire le tour des pawn shops et tous les magasins qui vendent des films used ou whatever. Yes. Ma collection de films d'horreur a grossi d'à peu près 300 DVD et Blu-ray, je pense, dans la dernière semaine. Ben voyons donc. Ah oui, facilement. Fait que moi, j'ai pas manqué de beaucoup de choses à écouter, fait que je vais pas vous les énumérer. Juste dire que, mettons, je me suis acheté le dernier Blu-ray de Evil Dead et que j'ai été très déçu. Parce que je possédais déjà, j'ai déjà Evil Dead en VHS, je l'ai en DVD, l'édition limitée de 3 DVD. Puis là, je jette le Blu-ray, puis tout ce qu'il y a comme en bonus, c'est une nouvelle track de commentaires de Bruce Campbell. Fait que j'ai fait comme, ouais, c'est un peu dole. Puis tu sais, je veux dire, le transfert en Blu-ray d'un film qui a 30 ans, ça deviendra pas de plus en plus beau, là, à un moment donné. Il y a 30 ans, le film. Mais non, à un moment donné, tu peux pas le retravailler 26 fois. Là, c'est comme. Moi, j'ai des Chaplin qui ont été remasterisés ici. Puis là, j'ai vu qu'il y avait sorti des Blu-ray, mais à un moment donné, je veux dire, le Blu-ray d'un film en noir et blanc. Ben, c'est ça, c'est correct, remasterisé. Le film qu'on va parler ce soir, je vais un peu couper ça sec, Maniac. J'ai acheté le Blu-ray 30e anniversaire, justement. Lui, il a été remasterisé, il est super beau. J'ai encore une fois, j'ai le VHS, j'ai le DVD, puis là, je suis rendu avec le Blu-ray, mais il y a vraiment un gros travail dessus, puis beaucoup de stock. Là. Ben, c'est il est distribué par Blue Underground, puis eux autres, on sait, tout ce qu'ils font, c'est de la bombe. Là. Fait que, tu sais, mais on s'entend que pour Evil Dead, j'ai été extrêmement déçu. À part de ça, j'ai acheté du stock, ça n'a pas de bon sens. Mais... J'ai trouvé autant de vieilles cochonneries que de nouveautés. Ouais, comment t'as fait? Parce que moi, quand je vais à Québec, je vais souvent des marchés aux puces, des trucs de même. Puis à un moment donné, on dirait que j'ai comme fait le tour puis que je trouve jamais rien de nouveau. Ben, comment tu fais pour trouver autant de stock que t'as pas? Ben, faut que tu regardes les piles qui sont pas sur les tablettes. Parce que, curieusement, les films d'horreur, j'imagine que ça vend pas autant que le reste. Parce que, écoute-moi, j'ai tout trouvé. Mais des vrais de vrais vieilleries. Mais il y a aussi le fait que j'achète tout. Même des films que j'ai trouvé comme vraiment ordinaires, là, j'achète vraiment tout. Qu'est-ce qui est, tu sais, je paye pas cher, là, on s'entend. Comme je dis, je l'ai acheté 300, puis ça m'a coûté en bas de 200$, là. Fait que. Ok, ouais. Je n'ai acheté beaucoup, mais attends, en même temps, je me suis ramassé avec la trilogie de Robocop en Blu-ray. Ah ouais? Dites ce que vous voulez, je ne collectionne exclusivement les films d'horreur. Dites ce que vous voulez, Robocop, n'importe qui a déjà vu des films d'horreur japonais est convaincu comme moi que c'est des films d'horreur japonais faits aux États-Unis, point barre. Fait que c'est ça, j'ai écouté plein d'affaires, j'ai même initié ma blonde à la trilogie Evil Dead, puis c'est pas pire, elle aimait ça. La mienne n'a pas été capable. pas à cause de l'horreur ou quoi que ce soit, parce qu'à un moment donné, t'es comme, ils ont-tu fini de gueuler? Tu sais, là, tout le temps, le... mais ils peuvent-tu faire d'autres sons? Ouais, je peux comprendre. Mais bon, chacun ses goûts. Fait que c'était à peu près ça. Juste avant de commencer, je voulais juste faire un petit shout-out spécial à... Comment je pourrais les appeler? Je pourrais dire des compatriotes en tant que fans d'horreur, les gars d'Horreur Web qui ont enregistré leur 100e épisode la semaine passée. Ouais. Et pour ça, il faut leur dire un gros 100 fois bravo. Quoi de 100 épisodes, c'est pas rien. Nous autres, ça fait au-dessus d'un an qu'on fait ça, ce show-là, puis on est rendu à 18. ça prend tout. Ça va prendre 5 ans. Là, faudrait, on va essayer de fêter au 25e, on va essayer de faire quelque chose. Mais eux autres, 100 épisodes de qualité, sérieux, bravo les gars. Puis en plus, c'est même pas juste des épisodes, c'est des critiques sur le site. Forum actif, comme ça n'a pas de bon sens. Là, ben ça, je sais pas, je vais pas sur le forum, puis je vais pas sur aucun forum, j'ai tout le temps peur de me chicaner. Je participe pas à ça, ces affaires-là. Je suis pas un participant de forum non plus, mais eux autres, c'est rare que je vois encore justement en 2013 des sites avec des forums aussi. Aussi actif. Là, je vais peut-être aller jeter un coup d'œil, mais un coup d'œil passif, sans aller mettre de... Non, je voudrais pas. Je suis trop... Tu sais, quand on parle de mes films, des fois, je m'emporte un petit peu. Les auditeurs le savent. Bon, mais sur ça, les enfants, sans niaiser, on commence ça? Ben ouais. Alors, on va aller parler du remake, de l'original et du film Maniac. Yeah. Allons-y pour une deuxième fois. On va essayer ce coup-là de s'arranger pour que Steph, il mange pas son micro. On vous parle du film Maniac de 1980. Un film réalisé par William Lustig, qu'on connaît plus comme étant un producteur de films d'horreur. Il y a au-dessus d'une centaine de crédits de films d'horreur à son actif. C'est lui qui a réalisé les trois Maniac Cop que, bon, n'importe quel fan de Bruce Campbell a déjà vu Maniac Cop, c'est extraordinaire. Ça a été écrit, c'est rare qu'on parle des scénaristes de nos films d'horreur, mais là, je pense que ça vaut la peine de mentionner, parce que ça a été écrit par C.R. Rosenberg, qui, lui, a aussi participé à l'écriture du remake, et Joe Spinell, qui se trouve à être notre acteur principal, notre principal antagoniste dans ce film-là. Et justement, ça met en vedette Joe Spinell dans le rôle de Frank Zito, notre maniaque, la merveilleuse Carolyn Monroe, dans le rôle d'Anna, qui se trouve à être Caroline Monroe. Ceux qui, peut-être les non-initiés à l'horreur, l'ont déjà vu comme étant une Bond girl. Je me rappelle pas duquel, par exemple. J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas noté. Mais c'est aussi une habitude de l'horreur qui a joué. Elle a joué à côté de Christopher Lee dans je me souviens plus quel Dracula. Vois-tu comment je me. Hein? J'ai oublié quelques notes. C'était tellement meilleur à la première fois. Ouais, mais c'est ça. Si Steph n'aurait pas mangé son micro, ça aurait mieux été. Ça met aussi en vedette un paquet de putes. C'est pas des farces, c'est pas des jokes, un paquet de putes et d'actrices porno, parce que, il y a une grosse histoire en arrière de la production de ce film-là, puis comment est-ce que ça a été shooté, fait qu'il y avait besoin de plein d'actrices qui coûtaient pas trop cher. On a aussi Tom Savini qui est crédité à ce film-là comme étant le Disco Boy. Tom Savini, pour les non-initiés encore une fois, c'est, je dirais, le plus grand maître des effets spéciaux pratiques dans l'horreur. Oh oui, c'est vraiment une légende. Il y a une école d'effets spéciaux qui porte son nom, je veux dire. Mm-hmm. C'est pas rien. Il nous a donné des films comme le bon vieux Friday the 13th, il nous a donné Dawn of the Dead, il nous a donné The Prowler, et, bon, Maniac. Et un certain remake de Night of the Living Dead. Ouais. Puis ceux aussi qui croient l'avoir eu dans From Dusk Till Dawn, c'est lui qui a un gun à la place des couilles. Oh oui. Eh, hey, c'est vrai. Ouais, c'est assez. Cet gun-là va toujours. À toutes les fois, je pense à Tom Savini, on dirait que j'en reviens à cet gun-là, je sais pas trop pourquoi. Fait que, en résumé, Maniac, c'est l'histoire de Frank Zito, qui se trouve être un maniaque sexuel dérangé, déviant, un vrai fou dans la tête. Frank, il vit dans un petit appartement mitable ou minable, appelez ça comme vous voulez. Ou miteux, c'est ça. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre c'est où que ça a planté, mon affaire. Fait que c'est ça, il vit dans un petit appartement mitable dans la ville de New York, où ce qui gagne sa vie comme surintendant de l'immeuble dans lequel où ce qui vit. Puis on comprend que, bon, Frank est devenu déviant à cause de certains problèmes de moment. Maman, c'était une prostituée qui, pendant qu'elle faisait ses jobs, elle l'enfermait dans le garde-robe, puis elle l'oubliait. En tout cas, il était assez maltraité par maman. Maman est décédée dans un accident de voiture, puis il en est comme jamais ben revenu. Hey, je te coupe rapidement, je suis content d'être là, parce que sinon, je pense que t'aurais mis l'extrait, ce que je dis, ça me fait penser à ma mère. T'as-tu regretté d'avoir mis cet extrait-là? Ça? Juste un petit peu. Bon, ceci étant dit, notre Frank, ce qu'il fait, c'est que, bon, lui, il se cherche des femmes à tuer, les scalps et cloue le scalp de ces femmes-là sur des mannequins, des bons vieux mannequins de magasins de ces années-là. Et puis, dort avec et dans une espèce de psychose, lui les voit comme ses femmes à lui. Un coup qu'il stand une, il l'installe en quelque part plus creux dans sa chambre pour aller en chercher une autre. Et c'est ça son modus operandi, lui, des scalps sur des mannequins. À un moment donné, il rencontre une photographe qui s'appelle Anna. C'est un petit peu le point tournant de l'histoire ses plans de la tuer changent quand il s'intéresse à son travail, s'intéresse à elle, vient son espèce d'intérêt amoureux, mais bon, j'en dirai pas plus parce que je veux pas spoiler. C'est ça, Maniac, c'est un film, bon, c'est un film culte, des années 80, puis je me demandais pourquoi, écoute, Hey, j'allais justement te poser la question. Pourquoi? C'est un film culte? Pourquoi c'est un film culte? Ben, vois-tu, c'est assez complexe. Normalement, les films cultes, dans ces années-là, c'est soit des films d'exploitation ou des gros grindhouse sévères. Qu'est-ce qui fait qu'un film devient film culte? Moi, j'ai découvert ce film-là quand j'ai commencé à collectionner les films, quand j'ai commencé à vouloir approfondir ma recherche d'avoir autre chose que, justement, les Friday the 13th, les Halloween et compagnie. Je suis tombé là-dessus, je me souviens pas si je me l'ai fait conseiller ou pas. Je suis tombé sur ce VHS-là, puis je me rappelle m'être fait dire par la personne qui me l'a refilé, que je me souviens plus c'est qui, ça, c'est quelque chose. Et puis je me suis demandé, en le réécoutant pour le show, qu'est-ce qui fait de ce film-là un film culte? Mais je pense que c'est assez simple, et c'est le personnage de Frank Zito. Il est tellement, je te dirais, bon... On comprend assez vite que c'est un film de tueur en série, c'est vraiment pas un slasher, malgré le fait que le synopsis en donne l'air, parce qu'on suit Frank tout le long du film. Ouais. Frank, il est très, très... Écoute, il est désaxé. Solide. Mais, je veux dire, il est capable de fonctionner en société très, très, très facilement. On le voit dans la fameuse scène du dîner avec la photographe. Il est très là, il fait des blagues, il a l'air tout à fait naturel. C'est qu'à un moment donné, dans sa tête, il y a une coche qui marche pas, une gear qui saute, whatever, il devient complètement fou. Et puis, fou raide, là. Quand on l'entend respirer, quand on l'entend venir complètement débile, il fait peur, là. Parce que, d'un, le bonhomme, il est pas bobo à regarder première des choses. Puis, quand il devient choqué, c'est efficace. Je pense que Frank Zito, à lui tout seul, le comédien qui joue, a fait de cet acteur-là, ce Frank Zito, le personnage comme tel, c'est ça qui est devenu le culte. Parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, c'était sévère, là. On parle quand même d'un gars qui tue des femmes. Écoute, c'est 1980, il tue des femmes, puis c'est... Écoute, c'est totalement gratuit, là. C'est scalp aussi, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, tu sais. Tout à fait. Puis il y a un autre gros point, un autre gros point de ce film-là que tout le monde se souvient, tout le monde qui l'a vu se souvient. La fameuse scène du shotgun. C'est extraordinaire, écoute. On parlait de Tom Savini, ok, il a pas juste joué dans le film, il a fait les effets spéciaux. Et il y a une scène de shotgun, bord en bord de la tête. C'est... à tout casser, encore c'est aujourd'hui. La oh oui, ben oui, de loin. Ben oui. Encore aujourd'hui, elle tient la route, gros comme le bras. C'est fou, c'est vraiment bon. Puis c'est ça, c'est un autre ingrédient du fait que ce film-là est devenu un film culte. Mais sais-tu, j'essaie juste de réfléchir là. Regarde, c'est peut-être mon histoire du film d'horreur qui fait défaut. Mais c'était peut-être une des premières fois aussi où un film sur un tueur mettait le tueur en vedette, dans le sens que c'était l'histoire du tueur et non de quelqu'un, d'une gang de monde qui vont se faire tuer un par un puis qu'il faut survivre à la fin. Ben vois-tu, j'ai pensé à ça parce que moi aussi, j'ai pensé que c'était ça justement, mais par manque d'informations et de recherches, j'ai pas mis ça dans mes énoncés, mais c'est très très très possible parce que j'ai pas souvenir d'un film avant ça. T'sais, je pense à Henry, Portrait of a Serial Killer, mais je viens de rechecker puis il est en 86. Lui. Ben vois-tu, je m'en ai dit 84, mais c'est ça, c'est un peu plus... Puis même à ça, Henry, il avait pas le... Il avait pas le cachet de Frank Zito. C'est un très bon film, là, Henry. Là. Ouais. Je lui enlève absolument rien, là, c'est quelque chose. Mais c'est pas Frank Zito. Il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose de pas propre, il y a quelque chose dans les films de New York des années 80, cette espèce de time capsule de ces films-là qui sont extraordinaires à regarder. Je pense à Taxi Driver et compagnie. C'est le même New York sale et crasseux qu'on aime voir dans ces films-là. Ça l'aide aussi. Côté appréciation, je pense que vous me voyez venir, là. J'adore ce film-là. Un 3.5, c'est ça? J'adore. Non, sérieux, là. Ça fait partie de mes films cultes à moi, bien personnel. Pourquoi? Ben, pour tout ce que je vous ai dit. De la scène du shotgun, le gore est solide. Encore aujourd'hui, il tient la route. Le personnage de Frank, je le trouve tellement bon. Je le trouve pratiquement attachant. Ça va sembler sick un peu, qu'est-ce que je vais dire là, mais je me fais un plaisir à maintenir un espèce de top 5 de mes tueurs préférés de films d'horreur. Frank Zito en fait partie, c'est sûr. Pas ben ben loin d'Hannibal Lecter puis du gars dans Antibodies. Sérieusement, je le trouve à ce point-là hot. Puis je trouve que Joe Spinell, qui se trouve être, qui est plus... qui était pas supposé, disons, avoir le rôle, c'est même pas un acteur... Il l'a très très bien rendu. Je veux pas dire que c'est un rôle, c'est pas digne d'un Oscar, mais j'y ai cru tout le long. Puis je l'ai trouvé pratiquement attachant à ses heures, complètement débile, puis qui m'a fait peur à ses moments aussi. Il y a des moments, il y en a deux en particulier que je veux pas décrire parce que ça serait de spoiler, mais je peux juste dire, sur la tombe de sa mère, il se passe quelque chose de fucking ouais. cool. La finale de ce film-là aussi, elle est extraordinaire. C'est fou. Je l'adore, puis c'est ça, je vais arrêter de le vanter parce que je vais avoir l'air d'un têteux, ça n'a pas de bon sens. Steph, ouais. mon ami Steph, qu'est-ce ben que ouais. t'as pensé de Maniac de 1980? Tout d'un coup, je le démolis. Tu m'aimes encore? T'as tout à fait le droit. T'as tout à fait le droit, honnêtement, je m'en fous. Je vais garder mon VHS, mon DVD, puis mon Blu-ray de ce film-là, même si tu ne l'aimes pas. Ah, non, sérieux, écoute, j'ai trippé ce film-là carrément. C'est vraiment bon, l'image. L'image qu'il projette. Puis le tueur, excuse, là, mais je l'aime. Bon, c'est ça. Je suis content que tu dis ça. Ben oui, je sais pas s'il voulait qu'on le prenne en pitié avec sa maman. Tu sais, dans le fond, là, le gars, il voulait pas devenir ça. Puis on dirait qu'il cherche des moyens d'alléger sa souffrance. Ouais, on sent qu'il essaye de se reprendre en main. Ben oui, Chris, tu le vois dans la vie de tous les jours, justement, la scène du restaurant. Puis c'est un bon Jack, ce gars-là. Tout à fait. Puis je pense que ça rajoute au fait qu'il en devient de plus en plus troublant parce qu'il est capable de fonctionner en société, ce gars-là. Il est pas complètement dysfonctionnel, là. Il est capable, il est conscient de sa situation, puis tu sais, il gère ça, là. Fait que ça fait peur encore plus. Mm-hmm. Non, sérieux, je l'ai bien aimé, avec l'ambiance musicale écœurante. Écoute, ça, l'ambiance musicale puis l'imagerie, là, écoute, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est très, ben, écoute, je pense que c'est assez évident que c'est très, très, très emprunté. Et c'est un bon hommage au giallo des années mm-hmm. précédentes, là, italien. Parce que, écoute, juste les couleurs des murs de son appartement, quand le film commence, ah ouais. là, ça pue le giallo à 100 000 à l'heure, la mm-hmm. musique aussi. Puis beaucoup, beaucoup de prises de vue. La scène du restaurant, c'est très, très, très giallo. Mais, tu sais, c'est un bel hommage. Je suis pas prêt à dire que c'en est un, mais c'est un bel hommage. Puis c'est correct, je veux dire, ça fait un beau film. Ouais. Non, sérieux, il est vraiment beau. Vraiment bon comme film. Je suis content que tu dises ça. J'aurais pas pensé que ça serait ton genre de film, mon Steph. Ouais, ben honnêtement, écoute, j'aime les vieux films. Tu sais, tantôt, tu parlais du remake en Blu-ray, je pense, tu disais. Ou en DVD que t'as acheté dernièrement, là, le 30e anniversaire. Ben, c'est pas le remake, là. J'ai acheté celui-là, le film de 1980. Mais ils l'ont remasterisé. Ouais. Je sais pas si j'accrocherai autant. Tu sais, j'aime la vieille image. Ah non, ben écoute, l'image est quand même granuleuse, là, je veux dire. C'est okay. un film de 30 ans, ils font pas de miracle quand ils remasterisent non plus. Faut que ça reste comme ça. Faut que ça montre que c'est un vieux film. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Ben vas-y donc, mon Sébastien, maintenant. Donne-moi donc tes appréciations sur Maniac. OK, ben moi, faut dire, j'ai vu le remake avant d'écouter lui. OK. Déjà là, en partant, je pense que ça biaise énormément mon jugement. Moi, au début, j'avais excessivement peur du personnage, puis de l'acteur. Tu sais, je me disais, bon, ça va-tu être, il va-tu être solide, là, notre Frank, là? Et, sérieux, il m'a quand même impressionné. Parce que, c'est pas un rôle facile. C'est vraiment pas un rôle facile. C'est un personnage que, même s'il est pas écrit avec une très grande profondeur, ce qu'il projette, Et weird, là, tu sais, là, comme on disait tantôt, il est capable de bien agir en société, mais quand il pète sa coche, il faut qu'on y croit qu'il a pète sa coche, tu sais. Oh, il faut qu'on y croit que le gars qui était correct tantôt l'est plus, tu sais. Je pense d'ailleurs à une scène avec une pute, là. En partant, là, tu parles. Au début, Ça, c'est cette scène-là, c'est à ce moment-là que j'ai fait, OK, c'est bon, je l'accepte, ce personnage-là, puis... j'embarque, là, tu sais. Là où ce que j'ai trouvé que certains trucs qui marchaient moins, c'est peut-être côté pacing de certaines scènes, où ce que je trouve que c'est peut-être qu'ils ont mal vieilli dans leurs exécutions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ben, je veux parler, exemple, tu parlais de la scène du shotgun. Ouais. Toute cette scène-là, de la manière qu'elle est amenée, je trouvais que, tu sais, ça avait plus l'impact, je pense, qu'il y avait à l'époque. C'est peut-être dans son montage, dans son rythme. Puis même, tu sais, on s'entend, Tom Savini puis la fille dans le char, c'est pas les deux meilleurs acteurs sur la planète, là. Fait que, tu sais, ils perdent un peu en crédibilité. Écoute, je peux dire quelque chose. Les premières fois, j'ai réécouté ce film-là, bon, pour le show. Je pense que c'était la première fois que j'écoutais la version originale parce que je l'avais en VHS, mais mon VHS était en français. Si tu trouves que, tu sais, c'est pas les meilleurs comédiens du monde, je te dirais que doubler en français, c'est complètement atroce, mon gars. C'est hallucinant. Ça doit être merveilleux. Oh. Mais écoute, sinon, c'est ça. Certaines scènes, la scène dans le métro, il manquait un petit quelque chose dedans, mais tu sais, ça a jamais été assez pour gâcher mon film, mais juste pas assez pour bien retenir mon attention, parce que quand il y avait quelque chose de fort qui se passait, c'était fort. Tu sais, c'était, ça y allait, puis j'étais content, tu sais. Mais de temps en temps, le film me perdait un petit peu. Mais, puis, je ne vais pas dire un peaufinage qui manque, parce que je pense qu'à l'époque, c'était pas mal ça. Surtout, comme tu dis, c'était pas un réalisateur émérite. Et je veux dire, quand même, là, ça paraît, même si c'est bien réussi par moment. Ben, je trouve que, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je trouve que c'est une réalisation de base. Très, très, très de base. On dirait quelqu'un qui sort de l'école puis qui y va by the book. Mais c'est correct, je veux dire. C'est pas, il n'y a pas de fion, mais c'est vrai que ça manque de peaufinage. Mais c'est J'ai vu des erreurs de montage. Ouais, ben ouais. J'ai vraiment vu des bouts, parce que j'ai fait, ben voyons donc, tu peux pas faire ça. Et puis, tu sais, j'ai vu des acteurs décrocher. À certaines scènes, j'ai fait, voyons donc, mais... Elle est plus en train de jouer, là. Elle est en train de faire d'autres choses, là. Elle regarde son lunch à la table. Ah, mais écoute, sérieux, là. En plus, c'est dans la finale. Dans la finale, qui est vraiment un moment fort, il y a une des comédiennes que j'ai fait, mais voyons donc, mais elle joue plus. Ah, ben, c'est genre, il a dit couper, puis il a mal fait sa cote, tu sais. Je sais pas. Il y avait quoi qui manquait, tu sais. Puis il y a certains bouts que je trouvais un petit peu ridicules, tu sais. Le shooting photo, où ce qui paye les filles 100 000 $, je pense, c'est un truc de même. 100 $. 100 piastres à l'heure? Ouais. Hey, ouais. Merci, parce que moi, j'avais compris 100 000. Et là, je te jure, moi, 100 000 piastres de l'heure pour ce shooting photo-là, c'est le pire shooting photo que j'ai vu d'un film. Ouais. Tu sais, mais c'est pas assez pour dire, c'est un mauvais film, le shooting photo est mauvais, tu sais. Regarde, Mais je veux dire, pendant que je suis en train de l'écouter, je suis quand même en train de me dire, oh mon Dieu, que c'est... Je veux pas te couper, mais venant d'un photographe, je peux te le dire, un shooting photo que le photographe fait autant de poses que les mannequins, j'ai jamais vu ça. c'est fou, tu sais. Je dis, voyons donc, ces photos vont toutes être blurrées, ça passe. Ah, mais c'est juste pour montrer l'actrice, ça là. Oh, c'était pas désagréable. Oh oui, mais tu sais, c'est ça, c'est pas des moments qui te gâchent le film, mais tu sais, c'est des moments que quand ils sont là, tu te dis, oh shit, que c'est, ça fait dur. Mais c'est ça, fait que tu vois, c'est ça, dans le fond, mon appréciation du film, c'est tout ce qui n'est pas le gore, les meurtres, puis tout ça, c'est tout l'enrobage. Il y a des trucs qui manquent, qui ont mal vieilli ou quoi que ce soit, fait que c'est ça. Finalement, c'est ça pour moi, Maniac. Et ça, en tout cas, on n'en est pas encore au remake. Mais il y a certains trucs qui ont souffert parce que j'ai vu le remake en premier. Excuse-moi, vas-y, Steph. Si on regarde tous les films qui ont été faits dans les années 80, d'après moi, on verrait pas mal toutes les mêmes erreurs. Mais là-dedans, c'était assez flagrant. Je te dirais que j'ai quand même l'œil pour ce genre de trucs-là. Mais si j'avais à te demander une note pour Maniac de 1980, tu lui donnerais? Un 3. Pour vrai? 3 sur 5, excuse. Ah, mais là, on donne sur 10, nous autres. 6 sur 10. Merci. 6.5. Bon. C'est bon, c'est bon. Toi, Steph, ta note? Ben, écoute, j'irais avec un 8. Un 8? Ah, ben oui, c'est très bon, mais tu sais, ça reste un film des années 80. On a vu de quoi de meilleur de nos jours. Oh, non, t'as pas besoin d'excuser ta note. Moi, vois-tu, j'y donne un 7 parce que... Ouais. Écoute, j'étais tellement pas à l'aise avec ça, mon histoire de donner des notes à mes films, que je me suis fait un esti de calcul mathématique complexe, puis schéma de bizarrerie d'où sur quoi je note, puis bon, ça a donné 7. Mais 7, dans la mesure où ce que, ouais, moi, tu sais, je veux dire, j'ai pas beaucoup de 10 dans l'histoire de ma vie, je pense. Si j'ai 5 films que je pense que je donnerais un 10, en tout cas, anyway, ça va être un 7 sur 10 pour moi. Et puis, on y va-tu pour quelques histoires sur la production de Maniac? C'est sûr qu'il faut aussi que je dise ma note est tu sais, toutes les erreurs que tu parles, Sébastien, je suis entièrement d'accord avec toi. Je les ai revues justement la semaine dernière parce que j'ai réécouté le film avec un œil critique un peu. Mais je suis foutrement influencé par le facteur nostalgie. Moi, c'est un film que j'écoute depuis des années et que j'ai adoré à première minute. Mais bon, Bon, hey, parlant d'histoire de production, parce que ce film-là, il y a un drôle de backstory. Premièrement, j'en ai pas parlé du budget au début parce que c'est assez nébuleux. Là. Ça parle entre 300 et 500 000 $, ce qui est vraiment des peanuts là, pour un film new-yorkais de l'époque. Puis on comprend qu'avec un petit budget comme ça, ils se sont pas payés de permis pour tourner ce film-là. Fait qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été filmées, ils appellent ça guérilla style. Okay, genre, ouais. On filme, puis on décrit ça avec la police arrive. Dont la fameuse scène du shotgun. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais l'expliquer vite. Bon, notre fameux Frank Zito, dans la scène, il part à la course, il saute sur un haut de char, fait exploser la tête à Tom Savini. Eux autres, ils ont filmé ça en dedans d'une heure, puis écoute, c'était un vrai gun. Puis ils ont vraiment shooté, c'est Tom Savini qui se trouve avoir shooté le mannequin de sa propre personne, parce qu'il l'avait. Hein? Il avait comme. Le fait qu'il soit tombé, qu'il ait joué dans le film, c'est purement parce qu'il y avait un mannequin de sa propre personne de lousse. Fait qu'il a fait comme, bon, ben on va le mettre, puis je vais y faire sauter à la tête. Mais ils ont-tu shooté ça en dedans d'une heure, sans aucun permis, juste éclairé par les lumières du char. Fait que tu comprends le fuck que ça peut être. Fait qu'il part à la course, en dehors des caméras, il y a un gars, l'assistant réalisateur, qui attend dans son char, la valise ouverte. L'autre, il part à la course, tire un coup de gun au travers du pare-brise, fait éclater la tête du mannequin. Il pogne le mannequin, garoche ça dans la valise, pogne le gun, garoche ça dans la valise, puis ils l'ont dompé dans East River avant que les flics arrivent. Ouais, fait que, encore aujourd'hui, ce char-là, puis le mannequin est dans la East River. Tom Savini disait ça dans les commentaires sur le Blu-ray. C'est quand même assez épique là, comme façon de shooter. Là, t'sais, c'est vite avant que la police. Il n'y avait aucun argent pour les permis, c'est assez drôle. Une autre histoire, là, il y a comme un... Je veux pas spoiler, mais il faut que je compte cette histoire-là. Fait que, il y a comme un corps à la fin du film, un corps pas de tête. C'est le corps de Pamela Voorhees dans le premier Friday the 13th, le corps sans tête. Quand on y prend attention, on peut même le reconnaître. Encore une fois, ça vient de Tom Savini. Ce corps-là, il a servi aussi dans Of the Dead, dans un paquet de ses films. Il l'a appelé Boris avec l'époque. Tu sais, c'est, il y a un corps pas de tête qu'on retrouve dans bien des films de Savini, puis je trouve ça quand même assez drôle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à part de ça comme note? Il me semble que j'avais de quoi de papier. Ah, on avait parlé de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Roger Ebert, le critique. Il y avait un partner, lui, qui s'appelait Gene Siskel, lui, qui a vu le film. Ouais. Après la scène du shotgun, il est sorti du cinéma comme de quoi que c'était trop. Il dit jamais de sa vie qu'il y avait eu de quoi de violent comme ça. Puis que, bon, il est jamais sorti d'un film parce que c'était trop. À part celui-là. J'ai trouvé ça quand même drôle parce que, tu sais, on se met dans les années 80 puis c'est quand même quelque chose, il faut y donner. La scène d'introduction, on a compris là, que le film a été inspiré des giallo. La scène d'introduction, vraiment le début où on entend respirer, là, est-ce que ça vous a fait penser à la scène d'introduction de Jaws? C'est exactement la même affaire. Ouais. Si tu regardes les mouvements de caméra, pis tout, c'est vraiment basé sur ça. C'est comme une espèce de clin d'œil ou un hommage, si on veut. Fait que c'était ça. Voir. C'était mon espèce de trivia et mes notes sur Maniac qui viennent du Blu-ray. Juste pour dire que, tu sais, ce film-là, il y a un gros backstory. Là, je vous ai conté le principal, mais la scène du shotgun, j'aurais trop aimé savoir ça. c'est quand même... C'est le genre de scène que t'aurais aimé avoir un genre de making-of de scène-là. Hey, mais ça veut dire qu'on veut une caméra peau, externe qui filme en train de la tourner puis de coller ses deux camps. T'imagines-tu aussi éclairer avec juste des réflecteurs avec des phares d'auto, tu sais. Ben oui. C'est épique, là. Non, sérieusement. Puis elle est bien réussie, là. C'est juste que le ralenti, il souffre un peu, là. Mais écoute, c'est les caméras de l'époque. J'ai vraiment aimé cette scène-là. C'est, écoute, une tête qui explose comme ça, on n'en voit plus. Fait que c'était ça. Fait que, hey, Steph, on passe ça en musique, ouais. On peut bien y aller. Allons-y donc. Qu'est-ce que tu nous fais jouer ce soir? Là, je me suis mis dans la peau du personnage. Oh, si, voir. Je vais vous le faire aimer sous toutes ses facettes. Ta blonde, es-tu pas loin? Je veux l'entendre. Je veux entendre le son de sa voix. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans la peau du personnage. Ah ouais, vas-y. Hey, toi, c'est parce que c'est des putes qui tuent, là. c'est pas drôle, ton commentaire. Je m'excuse, il y a juste la mère à celle qui est en danger. vas-y, avant que ça tombe. Non, c'est ça, j'ai choisi un band assez spécial qui joue du Dark Wave. Je sais pas si tu connais le style Dark Wave un peu. Pas du tout. Du tout. Ouais, écoute, t'écouteras la tune en même temps que tout le monde. C'est du Dark Hard. OK. OK, tu connais pas. C'est un band d'Autriche qui roule depuis 97. Ils sont quand même sous Napalm Record. Fait que c'est assez connu. Napalm pas, Vette, tu parles? Quand même. Ah non, okay, non, c'est bon. Napalm Record, la compagnie de disques. Oui. Puis ils ont 4 albums à ce jour. C'est deux... d'après moi, c'est un couple dans la vie. Ils ont deux qui chantent puis un clavier. C'est tout ce qu'il y a. Fait que musicalement, c'est assez de base. Puis eux autres, ce qu'ils veulent représenter, c'est une ambiance sombre. Fait que vous allez voir dans la toune, c'est assez sombre. Merci, t'écoutes pas ça en te levant le matin. Dans le fond, je sais pas quand t'écoutes ça. Fait que c'est la chance à soir de l'écouter le matin quand vous écoutez le show. Là. Fait que c'est votre chance d'écouter cette band-là dans le show. Quand tu files pas pour la toune de Benny Hill, là, t'écoutes ça. Ouais, ça, c'est à peu près ça. Fait que finalement, je l'écouterai tout le temps. Tu es vraiment quelqu'un qui file pour la toune de Benny Hill dans la ville. Ouais, man, excuse-moi de te couper, mon Steph, mais il faut que je raconte une anecdote. J'ai un ami qui a un podcast qui ressemble beaucoup au nôtre, donc je me suis beaucoup inspiré pour starter le nôtre, sur les films d'horreur, puis il demandait la trame sonore de préférée pour si tu serais justement un tueur en série, un meurtrier. Pis, qu'est-ce que tu mettrais dans ton iPod pendant que tu ferais tes mains. Fait que moi, je l'ai appelé et j'ai dit, ben, man, la toune de Benny Hill, mon gars. Tu sais, tout le monde répondait du Goblin ou des affaires comme dans de Giallo, des affaires, même j'ai entendu du Nick Cave, ça marche très bien. Moi, la toune de Benny Hill, man. Ouais, j'avoue. Hein. Ça explique comment je suis dedans moi. On est-tu prêt, mon staff? Ben oui, fait que c'est sur l'album... The Dissolution of Eternity. Ça dit un peu quoi? Puis c'est Fires Dominion. Allons écouter ça. Yes. We'll be right back. Donc, on est de retour avec le remake de Maniac, un remake réalisé en 2012 par Frank Calfoun. C'est bien beau à dire, comme non, ça, Frank Calfoun. Frank Calfoun. Calfoun, Calfoun. Calfoun, qui, Calfoun. Écoute, pas grand film à son à sa filmographie. Et, c'est lui qui a réalisé P2. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film avec Rachel Nichols. Film de parking. Qui se faisait poursuivre dans un parking à étage, moins. Qui, quand même, donne un petit feeling de ce que Maniac est. Tu sais, une fille qui se fait courir après par un tueur. C'est... Ouais, c'était pas mauvais. En plus, P2, me semble. Là. J'ai des bons souvenirs de ça. Il y avait une couple de scènes qui n'étaient pas pires. Qui était puis bon, si on cherche un autre gros nom dans cette production-là, un des co-auteurs, Alexandre Aya, qu'on avait les scénarios de High Tension, le remake de Hills Have Eyes. Ah, il avait ici aussi écrit P2 et Mirrors, mais ça, ce film-là n'existe pas. Sa mère vedette dans le rôle de notre Frank, Elijah Wood, notre petit frodon. C'est un tout autre casting. T'imagines-tu ma réaction là? Je viens de tout vanter notre Frank Zito de tantôt. Ouais. T'imagines-tu ma réaction quand je vois sur le poster de Maniac Elijah Wood is Frank Zito? Ouais. Je fais comme. Ah, man! Là, je me disais, tabarnak, il peut pas être freakant ce gars-là. Puis je me suis rappelé Sin City, puis j'ai fermé ma gueule. Ouais, exactement. Ouais, parce que tout le monde qui se rappelle Elijah Wood dans Sin City avec ses yeux blancs, ses lunettes, ses lunettes blanches, hein, c'est ouais. Ouais. Il fout à chienne. Là, ouais. Bon, la réalisation, il était pour beaucoup, mais quand même, il y avait une bonne prestance et on était loin de Frodon. Tu sais. dans le rôle de Anna, c'est Nora Arnezeder. Que moi, je ne sais pas si je l'avais déjà vu à quelque part, mais j'aimerais bien la revoir ailleurs. Je l'ai vu souvent dans mes rêves, oui, mais à part de ça, ça non. Ben, c'est exactement là qu'on aime la voir. 6.2 sur IMDb. L'original, tu avais dit c'était combien? Je ne l'avais pas dit, mais c'est 6.3. 6.3, donc, mon Dieu, c'est quand même assez équivalent. Donc, écoute, l'histoire, c'est la même. Ça parle de notre Frank Zito, qui est un maniaque, qui a eu des problèmes avec sa mère et qui tue des femmes pour les scalper, ensuite mettre leur scalp sur des mannequins. Et éventuellement, va rencontrer Anna, la photographe, va se lier d'amitié avec elle, va tenter de justement se reprendre en main. Mais bon, arrive ce qui arrivera et on vous dévoile pas plus de punch. Hey, c'est le fun de faire un résumé qui est rapide demain. La particularité de Maniac, le remake, c'est sa réalisation. Ça, on se le cachera pas. Ce film-là a été réalisé à la première personne. Donc, pendant 98% du temps dans le film, la caméra, c'est les yeux de Frank Zito. Donc, on est dans un tout autre monde. On n'est pas dans un New York crasseux tant que ça. C'est quand même bien où ce que Frank habite, en tout cas comparé au remake. Il y a moins de trucs crasseux. On joue moins dans le giallo, justement. On va beaucoup plus dans l'introspection du personnage. On parlait que dans l'original, on voulait quand même être sympathique envers le personnage. Dans lui, il y a comme encore ce désir-là, mais pas nécessairement d'avoir de la sympathie pour le personnage, mais plus le comprendre. Mm-hmm. Parce que tout est plus montré. Hein. Oui, ouais. On est plus dans son monologue intérieur. C'est ça. Montrer, ouais. Expliquer. J'ai dit montrer, je voulais dire expliquer. Je comprends ce que tu veux dire. C'est que. Justement, il y a certains délires, étant donné qu'on est à travers ses yeux, on va avoir ses hallucinations. Tu sais. Quand il y a des délires sur sa mère, ben il va la voir, sa mère. Tu sais, et c'est pas juste vaguement on comprend que non, il est en train d'halluciner sa mère, puis il est en train de se voir jeune quand sa mère elle amenait des hommes à la maison. C'est un film qui côté gore en jette. Je sais pas pour vous autres, mais moi le premier meurtre m'a décroché la mâchoire carrément. Totalement. Écoute, il tue la première fille qu'il tue avec le couteau qui lui traverse le menton et on voit le couteau passer à travers la bouche. puis ensuite la scalper et le titre Maniac apparaître après 5 minutes de film. À ce moment-là, on se dit, ça y est, je vais sûrement passer un excellent moment. Écoute, c'était kill-là, il était loin d'être original, je veux dire, on l'a vu souvent, oui. Mais rarement aussi brutal, sérieusement. Là, c'était brutal, exactement. C'était bien. Puis, étant donné que c'est en première personne aussi. Oui, ça rajoute. Ça rajoute beaucoup et il n'y a pas de cut. Et ça, c'est ça, quand j'ai réécouté Maniac pour voir certains kills, pour avoir certaines scènes fortes, je me suis rendu compte que ce film-là, côté effets spéciaux, effet gore, a une qualité assez incroyable du fait que il y a rarement des cuts. Parce que bon, tu sais, tu peux pas couper, tu peux pas faire de montage trop. On est dans les yeux du personnage, tu sais. Fait que souvent, c'est des plans-séquences. Quand il va slasher quelqu'un, ben il va slasher quelqu'un, puis des fois ça choque tellement que tu fais comme wow, je pensais pas que j'allais voir ça là, tu sais. La musique de ce film-là est incroyable. Écrite par, c'est un Français qui s'appelle Rob. Je sais pas si c'est juste Rob, j'ai oublié. Je voyais le monde. C'est Robin Couder, mais sur Internet, on parle souvent de Rob. Et c'est une musique qui fait vraiment vieux film d'horreur, qui fait penser. J'essayais de savoir à quoi ça me faisait penser. Tantôt, tu parlais de Goblin. Je sais pas si on pourrait dire que ça ressemblait un peu à ça. Je te dirais que moi personnellement, ça faisait plus penser à la trame sonore de Drive. Oui, Drive, exactement, c'est vrai, je l'avais en tête, j'ai juste pas mes notes, fait que, mais donc t'as totalement raison, qui est une trame sonore seulement au synthétiseur, ou presque. Moi, cette trame sonore-là m'a vraiment fasciné. Oh. Et ce qui m'a vraiment aussi marqué dans le remake de Maniac, c'est à quel point, je pense que c'est une des premières fois que je ressens ça là, dans un film, là. Je vous dis la scène du métro. Dans cette scène-là, Frank suit une femme on s'entend, il va la tuer. Elle le sait. Hein? Elle le sait. Elle le sait. Et cette femme-là, on la connaît pas. C'est pas un personnage important dans l'histoire, mais rarement j'ai autant voulu qu'une fille s'en sorte dans un film. Et... J'étais tellement mal pour elle là, parce qu'on la regarde à travers les yeux de Frank et on voit son regard qui nous regarde puis qui dit va-t'en, laisse-moi tranquille. J'avais un malaise incroyable. J'y repense et j'ai un genre de petit nœud dans l'estomac. C'était parfait. Là. C'est ça la puissance de ce remake-là parce qu'on s'entend côté développement psychologique du personnage, c'est pas plus poussé que l'original. Côté scénario, il n'y a pas vraiment de scène meilleure. J'ai préféré la relation entre lui et Anna dans ce film-là. Même si Anna, à un certain moment, je la trouvais un petit peu bitch. Comme de ne pas lui dire qu'elle a un chum après peut-être 2 semaines de fréquentation. Là. Ouais. C'est comme quoi? D'ailleurs, c'est pas fun de se faire dire ça dans la vraie vie. Je vous en passe un papier. J'ai déjà causé une fille pendant un mois pour qu'elle soit où je veux faire mon move. Elle me dit « Ouais, je m'en vais voir mon chum en fin de semaine. Oh. » En tout cas, j'en rajoute pas plus. J'ai pas fait un maniaque de moi, mais en tout cas, mettons que tu passes pas une belle soirée. On veut son nom. Hein? On veut son nom. Non. Puis je voulais en venir aussi à Elijah Wood. Je doutais pas d'Elijah Wood. Je pense que je trouve que c'est un excellent acteur. Mais je doutais plus de son. De sa crédibilité, tu sais. Puis on dirait que parce que on le voit pas souvent, ça passe mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben moi, tu dis je doutais pas de son jeu. Moi oui, j'en doutais. Je doutais surtout son gabarit. Parce que notre Frank Zito original, c'est un gros bonhomme. Là, c'est un homme fort, oui, c'est ça. Oui. Tandis que Elijah Wood, écoute, il est monté sur un frame de racket-chip, là, il est vraiment pas une brute là. Mais c'est pour ça aussi que dans ce film-là, plutôt que d'être une brute, il est beaucoup plus sournois. Ouais, mais il faut que ses kills arrivent dans le dos. On parle de maniaque, faut que ses kills soient brutales et violents. Ouais. Fait que ça prend une bonne carrure quand même. Ouais, ben c'est qu'ils sont brutales et violents. C'est juste c'est sa façon d'approcher tout ça qui, oh, est, oui, moins, qui est moins brutale et plus sournoise. Tu sais. Je vais en parler tout de suite. Il y a certaines choses qui m'ont dérangé dans la réalisation à la première personne, et c'est les effets de Frank qui se regarde dans le miroir. Ouais, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Puis ça arrive trop souvent. On dirait qu'ils veulent trop nous rappeler. Regardez, c'est Elijah Wood, tu sais. Fait que je pense qu'il se regarde 12 fois dans le miroir dans le film. C'est vrai. Puis moi, je pense que je me regarde 12 fois dans un miroir dans un mois, tu sais. Bon, j'exagère, là, mais tu sais, veut dire, on se regarde pas si souvent intensément que ça dans un miroir dans la vie, tu sais. Je trouvais qu'il y avait trop de plug, de regarder, c'est Elijah Wood. Avez-vous, oubliez pas, là, c'est Elijah Wood. Tu sais. Puis, son monologue intérieur, un petit peu trop présent à certains moments. Je veux dire, des fois, j'aurais juste voulu un long silence malaisant. Surtout quand, je pense au début, il observe certaines femmes, puis il se parle à lui-même, genre, il parle au gars en murmurant, « Ah, laisse-la tranquille. Ah, je sais où est-ce que t'habites. » Non, tu sais. Ouais. J'aurais voulu pas un maudit mot. Je pense que le malaise aurait été encore plus là souvent. On dirait que des fois, le film, parce qu'on est en première personne, il est obligé de faire parler Frank trop souvent pour rien, pour bien comprendre ce qui se passe dans sa tête. Puis dans ce temps-là, c'est trop nous prendre par la main, alors qu'on aurait préféré quelque chose de plus réaliste qui nous laisse mal à l'aise. Puis garde, on n'est pas obligé de comprendre pourquoi que ce gars-là tue, je pense. Ouais. Faites juste le faire. Ou donnez-nous juste un hint, tu sais. Mais pas obligé d'exploiter autant que ça. Mais c'est ça, écoute, moi, c'est un de mes bons films d'horreur cette année. Vraiment. Pour ses kills et pour l'originalité de sa réalisation. Qui, outre les passes de miroir, j'ai trouvé que c'est une réalisation qui servait bien. C'était pas juste une gimmick de réalisation, j'ai trouvé qu'elle servait bien le film. J'avais peur que ce soit ça une gimmick, hein, sérieusement, parce que ça fait partie des premières notes que j'ai lues, puis bon, à première personne, mais finalement, c'est surtout, on a vu des films en première personne si on pense à VHS. Ouais. Tu sais, il y avait certains segments qui étaient en première personne, parce que c'était quelqu'un qui avait une caméra dans le front, puis on y croyait plus que c'était quelqu'un qui avait une caméra dans le front. On voyait plus, ouais, le première personne. On sent que dans ce film-là, ils sont obligés de tricher. D'ailleurs, j'aurai des détails après vos opinions. Mais on sent que le film, des fois, triche pour nous donner un feeling de première personne et ça paraît un petit peu et c'est à ce moment-là que l'effet passe moins bien. Est-ce que c'est tout, mon cher Sébastien? Ah oui, allez-y. Ben, Steph, vas-y donc voir. Je vais me garder. Ah oui, j'ai hâte d'y aller parce que. Vas-y. Moi, j'étais totalement déçu. Oh! Pour vrai? Je suis très sérieux dans ce que je dis. 3-4 fois durant le film, je dis, gars, je l'arrête, là. C'est tellement plate, là. Premièrement, là, t'as le comment tu l'appelles, Elijah Wood? Elijah Wood, ouais. Il est mauvais, là. Crissez-moi ça dans un placard, sortez les plus de là, là. Non, mais tu sais, quand t'as connu le premier Frank, pis t'arrives avec l'autre, là. C'est quoi ce petit nerd, là, Chris qui est là? Moi, j'y ai pas cru à lui, je l'ai pas pris en pitié. C'est ça la différence, c'est que là, je prenais les filles en pitié. Ouais, je voulais que les filles s'en sortent. Puis, je dis, c'est pas ça que le premier film m'a fait, tu sais, comme effet. Puis là, j'arrive dans celle-là. Non, pas en tout. Mais c'est pas fou ce que tu dis là. C'est vrai que dans le premier film, Frank, on est beaucoup plus de son bord, puis on a beaucoup plus le goût qu'il s'en sorte. Puis on veut, tu sais, quand il décide, en tout cas, on sent qu'il veut essayer de faire des efforts pour se contrôler, tout ça. On le sent, mais dans lui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus du côté des filles. T'sais, dans le premier, on fait comme, oh, elle va payer, haha. Mais dans lui, on est comme, oh mon dieu, oh shit. Oh, c'est non, vrai, ça, tout savoir. À fait. Puis c'est ça, là, la petite caméra, là, qu'on est dans sa face, là. T'sais, on est lui, là. Non, moi, ça, je suis plus capable, là. j'ai totalement débarqué là. Ben, attends, là, toi qui es une gore whore, là, écoute, le gore, il a dû te gâter un peu. Bon, OK, les effets sont bons, là. Ça, je peux pas... Mais... Non, gars, je l'ai trouvé plat. Ben, je suis donc bien surpris. Gars, j'étais tellement déçu, là. J'ai aimé le premier, j'ai trippé au premier. D'après moi, c'est ça. J'ai trop aimé le premier. J'étais arrivé à l'autre, j'étais déçu. Le petit Chris Donner, avec ses mannequins, là, il dit, voyons, c'est quoi, là? C'est le film mannequin, là, c'est quoi? Ça m'a tellement fait penser à ça, là. Chris, on va voir arriver l'autre, là, qui va venir chercher des mannequins, là. L'acteur dans le film mannequin. Oh, oui. Son nom m'échappe. Je me souviens pas non plus. Oh my God. Non, sérieusement, là. Tu sais, la fille, elle rentre, ah, c'est beau, c'est beau. Il a juste habillé des mannequins, Chris. Il a ouais, non, non, ce bout-là, ce bout-là, là, oui. Ah, ce bout-là, j'étais comme, ben oui, on donc, là, c'est forcé, beau, là. Bon. Est-ce que non, c'est tout, mon cher Steph? Allô? Ouais, ça va être tout. Ah, ouais, ça. Non, mais, non, mais sérieux, non, mais sérieux, je te comprends tellement parce que c'est vrai que la première personne, je pense qu'il y en a pas mal que ça pourrait les faire décrocher, là. C'est quoi la référence au gay, là? La référence au gay? Hein? Ouais. Il traite que de l'air d'un gay. Ah, oh, ouais, la. Il y a ça dans un film. Tu sais. Ouais, ça, ça avait juste comme pas rapport. C'était juste pour montrer que l'autre, dans le fond, le chum de la fille, c'était un bully. Puis il l'a comme traité de gay pour que ça soit juste pour que ça soit le plus péjoratif possible, là, j'imagine. Non, ça non avait je pas trouve qu'on l'aïsse encore plus. Ouais, ouais, ben c'est peut-être pour ça, parce que dans le fond, ouais. Vois-tu, je pense que t'as mis le doigt dessus, c'est pour qu'on l'aïsse encore plus, puis ça a marché, je pense. C'est comme ça, ça le fait. Ouais, mais après ça, mettre un gay à côté. Ouais, j'avoue. Qui est crissement plus gay que l'autre. Tu te dis, pourquoi qu'il traite lui de gay, puis l'autre, gars, c'est un gay affirmé, là. Je sais pas, j'ai pas. Ah, non, gars, sérieusement, puis j'ai bien aimé les petites mouches, ce qui manquait dans le premier. C'est vrai que, ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai, Amnesty. Oui, oh, c'était bon. Les perruques, quand il sort dans lui, là, sont vraiment dégueulasses. Tu dis, urk, c'est vraiment des vrais cheveux de femme. Là. Dans le premier, tu sens clairement une perruque avec un petit peu de rouge dessus. Là. Écoute, garde, moi, je vais vous dire une affaire. Dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui m'écœure, mais... des cheveux trempés, tu sais, paquet... Tu sais, mettons, là, un gros mouton de cheveux, tu sors de la douche, là. Ah ouais. Du trou de douche, là. Il n'y a rien dans la vie qui m'écœure plus que ça. ça me... Fait que ça, non, ça l'a fait. Fait que, bon, ben gars, je vais y aller, moi, avec mes appréciations de ce bon vieux remake. Comme j'ai dit, Elijah Wood, je ne croyais pas pantoute. Jusqu'à ce qu'on le voit pour la première fois. Tu sais, il est pas propre. Il a les yeux cernés. Il est maigre. Il a l'air déviant. Tu sais, moi, je trouve que ça l'a fait. Je trouve que c'est qu'il était brutal. Comme, écoute, la scène du métro que tu parlais tantôt. Ouais. Quand que, bon, on a une des premières fois que la caméra, justement, décrache de première personne et on le voit assassiner. Oui. C'est ultra violent. Puis c'est pas grand chose, là. C'est pas là qu'il y a le plus de sang, c'est pas là qu'il y a le plus de gore, mais c'est brutal comme kill. J'étais dégoûté. Ça m'arrive pas souvent, ça, de voir ça, puis que ça me fasse cet effet-là. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, juste dans même. Après cette scène-là, un coup qui scalpe la fille, la raison pourquoi la caméra est tombée est plus en première personne, c'est quand on voit le reflet d'Elijah Wood avec le scalp d'une main puis le couteau dans l'autre, dans la porte du char à côté, c'est exactement la réplique du cover art du premier film. Ouh. Ah ouais? Ah, oui, monsieur. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Wow! » Tu sais, un Christy de beau clin d'œil là, subtil, là, j'ai vraiment aimé ça. J'étais bien content. À part de ça, Red Lucy, l'histoire de quand il va... Ça a failli me faire chier. Aller chercher des victimes sur Internet. Oui, on est en 2013, tu veux faire un remake, tu veux l'actualiser un peu, mais un site de rencontre Internet, ça sonnait, là, tu sais, le scénariste facile, là, tu sais, ça y tentait pas de chercher. Mais, tu sais, finalement, je pensais que c'était pour revenir, puis non, finalement, c'est juste une fois, puis c'est correct. La fameuse Red Lucy, c'est une scène que j'apprécie beaucoup, la passe du strip, j'ai vraiment aimé. Jusqu'à temps belle, qu'elle... Hein? Ah, ça n'a pas de bon sens. Mais il est arrivé quelque chose dans cette scène-là, c'est qu'elle arrive à son appartement, « Veux-tu que je mette de la musique? » Puis là, à part « Goodbye Horses », moi, il y a deux choses dans la vie que c'était tout là me faire. C'est Goodbye Horses, je revois ça, j'imagine toujours la bonne vieille scène dans Silence des Agneaux avec Buffalo Bill. Et puis, encore aujourd'hui, j'ai Goodbye Horses dans la tête, puis j'en ai encore pour un mois. Fait que ça me fait vraiment chier. Mais c'est vraiment pas quelque chose que je peux reprocher au film. Il y a une scène, je l'ai dit, j'ai adoré le gore. Le gore était ultra violent, ultra réaliste, puis souvent pratique. Pas beaucoup de CG. En tout cas, il y a du CG, mais il n'est pas agressant. Il y a une scène où il y a un scalp qui fait d'une personne qui n'est pas encore morte. Wow. Oh mon Dieu, que ça fait, man. Oh, wow, c'était quelque chose. En plus, la scène finale là, que je peux pas raconter, mais écoute. J'ai trouvé plus puissante que dans l'original. Ah, je parle de qu'est-ce qu'elles lui font. Oui. Ça m'a coupé deux jambes. C'était hallucinant. Ouais. J'ai vraiment adoré. Fait que c'est ça. Une grosse appréciation. La seule affaire, puis c'est quelque chose de vraiment majeur. Le plus gros point, le plus gros down que je vais donner, c'est un peu comme Steph disait. Sans dire que ça me dérange pas qu'Elijah Wood soit un petit cul, qu'il soit tout petit, parce que je trouve que dans ses kills, justement, dans sa façon sournoise d'attaquer, ça fitait. Le problème vient que on essaye trop de l'excuser comparativement à... Tu sais, j'ai pas eu d'empathie pour... Je le craignais, puis je l'ai trouvé tellement moins attachant. C'est dur, ça fait con de dire ça, là. On parle d'un tueur en série que je trouve pas attachant, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Le personnage, il est beaucoup, beaucoup moins... tu sais, c'est pas pareil. Le personnage a pas la même saveur à cause de, justement, on le voit tout le temps en train de capoter. Il y a il est tout le temps en état de crise, ça va pas bien. Il fait plus malade que sain, si on veut. Là. Puis même justement, je me demandais comment est-ce que la fille pouvait tant être accrochée après lui, parce que clairement, on sent qu'il est pas capable de se mêler à la société. Exactement. Autant que le Frank dans l'original, quand il décide que moi je file bien, puis. J'agis normalement, là. Tu ne peux pas te douter que ce gars-là est croche, tu sais. Tu peux juste dire, il a l'air d'un crotté, tu sais. Une des raisons pour ça, là, qui amène à tout ça, puis ça, c'est ma façon de l'analyser. Dans l'original, c'est quand que Frank s'en va chez Anna et qu'il découvre son travail, il voit ses portraits, qu'il comprend. C'est vraiment un très très bon moment, une super de belle scène du premier, quand il explique. On voit que ces deux. Bon, disons, artistes-là, viennent qu'à se rejoindre sur ces points-là. C'est super bon pour ça. Tandis que dans le remake, c'est le contraire qui arrive. C'est Anna qui débarque dans l'environnement de Frank. Et là, ça ne marchait pas en tout. Parce que, un peu comme Steph dit, tu sais, il rebâtit des mannequins. C'est dur en maudit de rendre ça crédible, le fait que c'est un artiste, quand tout ce qu'il fait, c'est, tu sais, il fait du poté puis du fibre d'avoir, le gars. C'était quoi la lock là, que cette fille-là, elle avait un projet de photo sur des mannequins? Puis qu'elle fasse une exposition, là, t'es comme, wow, t'as peur. Toute cette partie-là, on commence à poser mannequin, Chris, on les voit juste à la moitié parce que les grilles sont fermées. Ouais. Mais tout, c'est ça, toute cette bout-là, ça m'a paru comme un peu forcé, ça m'a fatigué. C'est une des raisons du pourquoi le fameux Frank était beaucoup moins attachant pour moi. C'est le gros point faible que je vais donner à ce film-là. Le Frank, le reste, écoute, le gore, il était très bon, la musique, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Seb, mais c'est ça. Le Frank est beaucoup moins attachant. C'est quand même un très bon film. Avec vos notes? Je me demande, je me demande, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ce film-là? C'est-tu nous montrer le gars maniaque ou ses meurtres sont faites en maniaque? Je sais pas si comprenez ce que je veux dire. J'ai vraiment un feeling. Ils veulent juste nous montrer les meurtres d'un fou ou ils veulent nous montrer un fou dans le premier. Tu sais, dans le premier, tu vois, le gars, il est fou. L'autre, il a des petites crises de cerveau, puis il s'en va tuer, puis là, ils mettent l'emphase sur le meurtre. Ben, je te dirais que c'est juste une façon plus moderne et plus, médicalement précise de refaire un maniaque. T'sais. C'est vraiment, ils ont trop modernisé la chose, à mon avis. C'est une technologie qui a fait en sorte que, gars, on en met, puis on oublie le personnage un peu. Ouais, ça se peut, ben. Ouais, quand j'ai lu un peu sur des entrevues tout ça, il y avait vraiment un désir de nous rendre mal à l'aise par rapport à tout ça. Il y avait vraiment de tu sais par rapport au meurtre puis tout ça là, parce que on s'entend là, en tant que fan de films d'horreur, on a toujours hâte de voir un kill, on a toujours hâte de voir la fille se faire poigner. Ouais. Puis dans lui, c'était le contraire, puis je pense que c'était ça. Un de leurs objectifs. Ben, c'était le plus gros point fort aussi. Ils ont réussi à fond la caisse. Ouais. On y va-tu avec nos notes, les enfants? Steph, vas-y donc voir, j'ai hâte d'entendre. Écoute, je vais y aller, mettons, 50-50, là, un 5 sur 10. C'est bon, t'sais, ça, c'est honnête. Le film m'aurait pas fait écouter le premier. Okay. J'ai écouté le premier, puis j'ai été déçu du remake. Tout simplement. C'est bon, ça. Toi, Seb? Moi, c'est un 7.5. Un 7.5? Ouais. C'est bon, ça. Moi, vois-tu, j'ai donné un 7 à l'original, puis je donne un 7 à celui-là aussi. Okay. Parce que sur bien des plans... Le côté première personne, j'ai adoré. C'est bon. La réalisation est en tout point supérieure à l'original, mais c'est le personnage de Frank. Si on aurait un personnage plus fidèle à l'original, aussi attachant, disons... Ouf, ça aurait été vraiment solide. Ça aurait été un sacré film. Mais tu vois, si on l'avait eu aussi attachant, notre malaise par rapport au meurtre... C'est vrai. Aurait peut-être été... Tu sais, j'ai comme l'impression qu'il fallait faire un choix entre les deux. Oui, mais ils ont fait le bon choix, parce qu'en même temps, ben là, à mon avis, je trouve ça bien, parce que, justement, c'est pas arrivé souvent que... justement le phénomène de malaise, puis qu'on veut que les filles s'en sortent à tout prix, ça m'est pas arrivé souvent, parce que écoute, c'est des personnages qu'on connaît pas, c'est des filles qu'on a jamais vues, on connaît pas leur backstory, puis on veut tellement pas qu'ils épingent, ça arrive pas souvent, fait puis, que c'est ça. Écoutez, j'ai pas beaucoup de fun facts, mais je voulais seulement vous dire, j'ai regardé un peu des entrevues, on sait que Elijah Wood, bon, on le voit pas souvent dans le film, mais il était toujours présent pendant les takes. Il a tenu, parce que lui, c'est un grand fan de films d'horreur, puis j'ai lu quelque part qu'il tenait à être là, même si on n'avait pas de besoin. Quitte à guider le caméraman, puis tout ça, le directeur photo. Puis aussi, quand on voit les deux mains de Frank, la plupart du temps, c'est deux personnes différentes. C'est Elijah Wood et son double. Donc, Elijah Wood faisait toujours la main droite, mais quand il n'était pas capable de faire en sorte que sa main gauche arrive à un endroit qui était crédible, puis qu'on sente la première personne, c'était quelqu'un d'autre qui mettait sa propre main gauche et il se coordonnait de même. Ce qui donnait une genre de chorégraphie. C'est un film qui, d'après moi, a été quand même très compliqué à tourner. Mais on y croit. On y croit que c'est les deux mains d'Elijah Wood. À part quand c'est dans les miroirs, il y a une tricherie qui paraît trop. Ouais. Mais c'est intéressant de penser qu'il y a eu quand même un bon investissement de son côté. Et c'est ça, tout a été enregistré par après. Les voix ont tout été enregistrées par après dans le studio. Donc, presque rien d'enregistré sur place. Excepté, évidemment, quand la caméra est un peu à l'extérieur pour les peut-être 3-4 fois là, où est-ce qu'on voit vraiment Elijah Wood parler. C'est un truc qui m'a dérangé peut-être un peu. Là, des fois. Étant donné que ça a été enregistré par après en studio, je me dis qu'il aurait pu se permettre justement peut-être d'en couper un peu pour nous laisser ça plus malaisant et des longs silences. Là. Il voulait trop combler les trous. Ouais. Mais donc, c'est ça, il n'y avait pas beaucoup de fun facts ou de trivia, mais sinon, j'avais le truc de la portière, mais je l'avais lu, mais tu vois, moi, je l'ai pogné sur le net, là, il y avait quelqu'un qui l'avait écrit, mais j'ai jamais vu la pochette du premier film, donc j'avais pas caché en l'écoutant. Ça a été mon poster de porte de chambre d'appartement pendant bien des années, mais il n'a pas survécu à tous mes déménagements, malheureusement. j'ai vraiment une longue histoire d'amour avec le Maniac original. Fait que c'est ça. Hey Steph, on est-tu rendu à jouer de la musique? Ben ouais, on peut y aller. Vas-y donc, mon gars. Je me suis mis dans la peau du premier Frank, pas du deuxième. Je ne l'ai pas aimé, le deuxième. De toute façon, t'es pas mal plus dans le gabarit du deuxième. Sauf qu'il est bedonnant un peu, là, mais en tout cas. Ah oh ben, je m'en viens bien. Non, écoute, on va l'écouter. C'est une toune, parlant de caméra à la première personne, on va l'écouter. C'est une toune du band The Creature. Ça, la tourne se retrouve sur le film The Blair Witch Project. Ça, c'est un de mes films cultes, là. Tu vas peut-être rire de moi, là, mais... Pas du tout. Non, jamais qu'on va rire de ce film. Ça a révolutionné mon film d'horreur, mes films d'horreur, écoute. Fait que, non, allez tout avec la tourne, c'est Don't Go to Sleep Without Me. T'sais, décrit bien Frank dans le premier, je trouve. Tellement. On va aller écouter ça. Thank you. C'était donc ben bon, ça, cet auto-là, mon cher Steph. Ouais, c'était cœur, hein? C'est pas long, mais c'était cœur. Hein? C'est pas grave, ça. C'est pas long, mais c'est bon. C'est déjà la fin. C'est ce que les filles disent, hein? Oh, non, en tout cas, non, la, non, mère Seb, elle, la mère à Seb, elle a pas de problème avec ça. Oh, God. Non, je vais arrêter. Même moi, je me trouve pas si drôle que ça. C'est déjà la fin. C'était notre épisode sur Maniac. Je suis donc content, on a eu de la misère avant de sortir ce maudit épisode-là, je suis content d'en avoir parlé parce que tu sais, c'est quand t'en parlais de ça que je retombe en amour avec mes bons vieux films de peur, je suis donc content d'aimer ça. Puis c'est le fun quand Steph aime pas un film. Oui, c'est très drôle quand Steph aime pas un film. Mais ça, je le savais déjà. C'est rare, hein? Je pense que c'est un des premiers que je décrisse de même. Je sais pas, mais je peux te dire que tu m'as déjà fait écouter... Alors, il était très bon. Je l'aime, mon film, toi. Arrête. Astille. Le film de Rodriguez, là. Ah, ben oui, c'est le de nuit, là. Voyons, astille, le prédateur nocturne. Ah, man. Ah oui, c'est Night vrai. Stalker. Est-ce de cochonnerie pour écouter? Mais, ah non, non, il ressemble à ton maniac de remake. Arrête, astille. Ah. Mais non, sinon, je pense que on t'avait entendu détruire une couple de trucs dans ABC's of Death, là. Ah, ah c'est vrai. Ouais, ça aussi, j'avais été déçu. Oui. Ouais, ça c'est parce que t'as pas vu la fin de VHS. VHS 2 a l'air bien par exemple, hein? Je sais pas si vous avez vu ça. Avez-vous vu aussi ce qui parle pour Insidious 2? Ce qui parle? Moi j'ai vu le trailer. Ben mais... ouais, le, c'est ce que je voulais dire. Là. Ok. Ça le trailer est très bon. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, chers amis, chers auditeurs. Oubliez pas de nous suivre sur Facebook, à Horror Gamer. On veut vous. Ah, hey, vierge, dire que j'ai failli passer à côté de ça. Ah ouais, donc. J'adore mes auditeurs, je les adore, toute la gang, c'est cool de jaser avec vous autres, c'est cool d'avoir vos opinions sur des films, puis toute la patente. Je pense récemment, il faut que je compte, je suis pas fier de moi, j'ai Stéphane Poulain, notre récipiendaire du cadeau de Noël de l'Horreur Gamer. Il a eu son cadeau de Noël la semaine passée. longue histoire de paquet oublié en dessous d'une pile d'affaires, là, mais en tout cas, je m'excuse à lui, mais... super de bon dude en plus, qui vient du manga, il me parlait des affaires d'horreur. En tout cas, il m'a fait dépenser là-dedans, puis j'ai bien hâte de lire ça. Tout ça pour dire que je les aime, nos auditeurs, je les aime, nos fans, à 100 000 à l'heure. Mais il y en a un que je vais taire le nom qui m'a envoyé un film, une suggestion de film, une hostie de cochonnerie de snuff avec des animaux. Hein? Ouais. Fallait que ça arrive à un moment donné, je veux dire, on est un podcast de films de peur, on doit attirer certains tordus pareil. Mais toi, mon hostie débile, va te faire soigner. Fait que ceci étant dit, les autres, vous pouvez vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter. Qu'est-ce qui se passe de bon sur funjouerjeu.ca, mon cher Seb? Écoute, toujours des concours, c'est tout dépendant de la date à laquelle le podcast va sortir. Il y a le concours sur Geekorama pour gagner une trame sonore de Black Mage, truc de musique. Le dernier album de Black Mage. Ouais, le dernier album de Black Mage qui reprennent de façon métal des tunes de Nobuo Uematsu. On a toujours la chronique à Dumpolus, c'est Sous-marin tout garni qui sont très hilarants. La BD de... Je sais pas s'ils nous écoutent Dumpolus, là, mais Man Borg, mon gars, c'était de la bombe. Right on. La BD des aventures radicapotantes du radicapoté, toujours très absurde et très niaiseuse. Moi, j'adore ça. Puis, écoute, on devrait sortir un épisode de Fun Joyeux jeu bientôt. Là. On s'ennuie de vous autres. Peut-être même qu'ils vont sortir en même temps. Oh, ça serait bien, ça. Ouais. Bon, ben sur ça, on va arrêter de vous étirer ça plus longtemps. La prochaine fois que vous m'envoyez des suggestions, Servez-vous de votre tête, s'il vous plaît. Ah ouais. Steph, musique. Ah ouais, je pense que tu me fais plaisir, là, ce coup-là. Ah, ben, attends un peu, qu'est-ce qu'on fait prochain épisode? Écoute, ah ouais, je sais pas si. On le sait, qu'est-ce qu'on fait le prochain épisode. Je sais pas si je devrais le dire, parce qu'à toutes les fois qu'on en parle, on a souvent gros de la misère à se sauter. Mais non, je vais le dire. Prochain épisode, c'est un autre de mes suggestions. On va slacker la trilogie des Tetsuo, soit Iron Man, Body Hammer et Bullet Man. Attachez votre truc avec de la broche, ceux qui ont jamais vu ça, c'est quelque chose. Fait qu'en musique, mon Steph. Ah ouais, j'ai une suggestion de film pour toi, moi. Toi, tu t'occupes de la musique. Ah ouais, alors, j'ai écouté ça cette semaine. Hein. C'est un film de 1957. Ouais. Réalisé par Dick Powell. C'est Torpille sous l'Atlantique. Tu ris, mais je l'ai écouté. Ça a passé à Cinépop. C'était écœurant. Ouais. Ok, on en passe à la musique. C'est pour ça que tu m'as mis sa musique, hein? Ah là là. Non, c'est ça, on va y aller avec un Ben que t'aimes pas pantoute. J'adore. T'as jamais trippé là-dessus. Ça a bercé mon adolescence. Bon. Orgy. Oui, monsieur. Faut-tu vraiment que je présente Orgy, sérieusement? Ben honnêtement, je sais pas si ça a pogné tant que ça. T'sais. Moi, je connais pas ça. Hey, Blue Monday, écoute. Blue Monday, tout le monde. Ah oui. Tu connais pas ça, va te cacher. Hein. va avec Elijah Wood dans le placard, puis reste-y. Non, fait qu'on va aller sur un album qui, lui, doit pas être trop connu, c'est Vapor Transmission. Le deuxième de Orgy. Ben ouais, il est tombé, il est passé dans l'ombre, d'après moi. Ben, moins que le troisième, que j'essaie de retrouver le nom, là. Punk Static Paranoia. Et voilà. En 2004. Lui, il a vraiment été dans l'ombre. Puis, dans le fond, ils en ont juste trois. C'est plat. Orgy, pourquoi que c'est mort, Orgy? Vous êtes toute une gang de maillets, écoutez-en la musique. Quel temps nous avons écouté, mon Steph frustré? Ouais, mais allez voir les shows si vous achetez pas de musique. Là, on va arrêter de le pomper. Là. Il va se déplier, puis là, ça va être là tout à l'heure. Steph, qu'est-ce qu'on s'en va écouter comme ton? On va aller écouter Saving Face. Excellent. Parce que mon bon vieux Frank, là, il sauve la face de l'hostie de Elijah Wood. Là. C'est bon, on va aller écouter ça. Hey, ciao tout le monde. Yes, à la prochaine.